Les yeux tout remplis de la lumineuse poésie de ce tableau de Delacroix, j'eus de la peine, sur la route qui joint Saint-Paul et Minneapolis, à reprendre le sens de ce paysage, d'entre ces deux cités, pourtant plus expressif encore. Les quelques milles de terrain qui les séparent l'une de l'autre sont distribués en lots, à peu près égaux, et partout se voit cette inscription « à vendre », indéfiniment multipliée. Dans 50 ans, les faubourgs des deux jumelles de l'Ouest, comme on les appelle souvent, se mêleront ici. À un moment, des maisons de bois recommencent d'apparaître, puis des maisons de briques. C'est Minneapolis. Quoique ces premières bâtisses soient encore clairsemées, comme des fermes sur une montagne, les rues s'entrecroisent, déjà tracées et numérotées. Un tramway électrique dessert ces quartiers, qui, malgré ces rares maisons, demeurent à l'état de dessin idéal. C'est comme le plan fait à l'avance, et à même le sol d'une ville colossale, projetée, rêvée, calculée plutôt, et cette électricité en dessert les futurs besoins. Les égouts sont faits, les fontaines ruissellent. Toute cette terre est drainée. Il ne manque que les habitants. Il en a pourtant 165 000 dans les quartiers construits, lesquels forment une toute petite portion des quartiers prévus par les gens d'affaires de Minneapolis. Chicago compte plus d'un million d'âmes, et ils n'ont aucun doute que leur ville dépasse Chicago. Ils se précautionnent en conséquence. Ils ont acheté tout ce qu'ils ont pu acheter de terre alentour. Ils la morcellent et la vendent pièce à pièce. Ils ont donné à ces faubourgs encore à bâtir l'organe vital, la facilité du transport rapide, qui permet à chaque ouvrier d'avoir sa petite maison. Et ils attendent avec cette force d'espérance, propre à l'Américain, engagé par ailleurs dans d'autres entreprises, qui compenseront l'insuccès de celle-ci au cas, improbable pour eux, où elle échouerait. Un des grands spéculateurs de Minneapolis, celui peut-être qui a cru le plus fortement, depuis le premier jour, à l'avenir de cette ville, m'emmène dans son car électrique. Un car électrique privé. Où trouver ailleurs cette fantaisie? Il veut me prouver que ses amis et lui n'ont pas seulement prévu la grandeur matérielle de Minneapolis, mais qu'ils ont pensé à sa vie artistique. La voiture glisse le long de son fil avec une rapidité effrayante. Elle n'a pas à s'arrêter pour attendre les voyageurs. Nous avons quitté les portions construites tout de suite et presque tout de suite les portions à construire, avec leurs rues imaginaires, et la levée de leur étiquette de vente, dressée sur des poteaux. Ces pancartes sont si nombreuses qu'elles font ressembler cette banlieue aux plates-bandes d'un jardin botanique, destiné aux habitants de Brobdingab. La voiture longe un petit lac maintenant, dont l'eau bleuâtre frissonne au milieu d'arbres jaunes et maigres. On a coupé, massacré, brûlé la forêt primitive, et ce timide essai de replantation semble dénuder davantage l'horizon. Nous arrivons à un coin de bois mieux préservé, qui sert de fraîche bordure à un second lac. Sur la rive se dresse un des plus étranges d'entre les théâtres de musique qu'il m'ait été donné de visiter. Des gradins s'étagent, regardant le lac. En haut, ils se distribuent en loges. En bas, ils s'aplanissent en parterre. Des tables de bois installées dans ces loges, comme sur ce parterre, me font me souvenir qu'à Minneapolis, le fond de l'immigration est germanique. Cet endroit est visiblement aménagé pour des hommes de brasserie, allemands, suédois, danois, norvégiens. Un vaste radeau s'amarre en face du théâtre. Une estrade le surplombe, destinée à l'orchestre. Par les belles nuits d'été, des concerts s'y donnent, et quand le public le demande, le radeau s'éloigne, pour ajouter par la distance au charme du morceau joué ainsi. Cette démocratique adaptation des rêves du roi Louis de Bavière coûte aux petites gens qui veulent en jouir 10 sous de tramway et 25 sous d'entrée, sans doute avec consommation, comme disent les réclames des cafés-concerts. Toute l'Amérique est là-dedans. L'orchestre est composé d'artistes de choix, et qui seront meilleurs d'année en année, avec l'accroissement des richesses de la ville. Le cadre du paysage est exquis. Par ce matin d'automne, tout voilé, sur le bois jaunissant et l'eau violette. Que doit-il être par l'éclair de lune des nuits molles de juin? L'idée est délicate et d'un joli caprice de fête populaire. Et le tout a pour premier principe une spéculation de tramway qui repose elle-même sur une spéculation de terrain. Le réalisme le plus humble, le plus asservi à la minutieuse observation des faits, et en même temps une audace d'imagination qui ne recule jamais, qui greffe les projets sur les projets, qui enfle sans cesse des entreprises déjà énormes, qui s'exalte en combinaison de plus en plus colossales. L'individualisme le plus âpre, le plus implacable, celui d'une bête de proie de haute espèce qui va, dévorant toute vie autour d'elle, ou si l'on veut, la violence d'action d'un fleuve qui déborde, absorbant toutes les eaux, noyant toutes les terres, roulant à travers un pays ravagé son flot insatiable, et en même temps une générosité qui ne compte pas, une magnanimité de passion civique qui prodigue les millions pour des œuvres désintéressées qui se répand en infatigables sacrifices pour la patrie commune. Un plébéianisme tout récent d'origine, une modestie, une bassesse souvent de naissance, de famille, d'éducation, que n'a pu, semble-t-il, améliorer un labeur tout professionnel, et en même temps des magnificences et des somptuosités de grands seigneurs, le goût des arts, la largentente d'un luxe intelligent, une naturelle aisance dans le maniement de ces formidables richesses acquises d'hier. Tels sont les traits contradictoires que l'analyse, même superficielle, découvre dans cette complexe figure de l'homme d'affaires américain. Rien qu'à les noter dans ce bref résumé, je crois apercevoir que ces traits sont aussi ceux de la race tout entière. Et par-dessous le potentat qui règne en maître dans son chemin de fer, dans sa manufacture, dans son journal, dans sa mine, je reconnais le colon primitif, avec ses linéaments moraux que la fortune n'a pu changer. Il est venu, ce colon, voici 100 ans, voici 50 ans, s'établir sur cette terre neuve encore. Et il a dû y lutter de la lutte la plus directe, la moins adoucie des conventions sociales. Lutter contre les gens, lutter contre la nature, lutter contre lui-même. Sa chair se rebellait contre les âpretés des premières années. La prairie était hostile. Les voisins étaient durs, dangereux, sans merci. La nécessité d'agir a forcé l'homme à observer, à ne se faire d'idées que précises et nettes. C'est une éducatrice qui, par tout pays, guérit des phrases et des formules, des préjugés et de l'à peu près. Voilà pour le réalisme. Mais cette lutte du colon avait devant elle toutes les possibilités. Des expatriements de cette sorte ne s'expliquent pas sans une de ces folies d'espérance, comme les désespérés en retrouvent en eux aux minutes suprêmes, alors que l'âme se retourne tout entière sous une secousse qui n'y laisse plus rien du passé. Sitôt arrivé ici, tout contribuait à exalter encore cette fièvre d'espérance chez l'exilé. La terre incroyablement fertile, le mystère des mines d'or et d'argent toujours à découvrir, la prairie follement giboyeuse, les forêts inépuisables, et l'exemple quotidien de gigantesques fortunes improvisées en quelques années. Voilà pour l'imagination. Cependant, l'afflux des émigrants continuait, si nombreux. La concurrence vitale se faisait si violente dans cette cohue d'aventuriers, tous hommes de misère et d'énergie. La justice s'accomplissait d'une façon si sommaire qu'il fallut bien avoir recours aux Faustrechts, à ce droit du poing, qui fut le principe de l'ordre dans le Moyen-Âge allemand. Le lynchage en est un des derniers restes. Voilà pour l'individualisme. D'autre part, ces mêmes colons trouvaient du moins, dans cette dure existence, un renouveau de leur personnalité. Ils se refaisaient une destinée sans passé, et ils éprouvaient pour la libre terre qui leur avait permis ce recommencement une gratitude passionnée. C'est l'origine du patriotisme américain, si différent du nôtre. La tradition n'y entre pas, puisque ces gens ont leur tradition ailleurs. Ce qu'ils aiment de cette nouvelle patrie, c'est justement qu'elle est nouvelle. Ils la créent, eux, cette tradition. Ils ont des ancêtres et ils le savent. Voilà pour l'exaltation du civisme. Enfin, ces colons étaient tous des plébéiens, où force leur était de le redevenir, puisqu'ils devaient travailler de leurs mains. Seulement, la vaste étendue de leur domaine, le fait de ne dépendre de personne, la joie d'être les maîtres et seigneurs d'une terre défrichée par eux-mêmes, la conscience d'une virilité régénérée, l'habitude d'une initiative sans contrôle, tout se réunissait pour hausser en eux cet orgueil que le moindre Américain né dans le pays manifeste naturellement. Regardez-y bien. L'homme d'affaires n'est pas autre chose que ce colon amplifié, développé, agrandi. Jamais la loi de l'hérédité ne fut plus visible qu'ici, dans cette transposition sublimée, si l'on peut dire. Toute l'âme du pionnier des premiers jours réapparaît dans les entreprises et les fantaisies des millionnaires. Et comme cette même âme continue de s'agiter dans l'Américain pauvre, qui n'a pas vaincu le sort, une ressemblance morale s'établit entre les plus malheureux et les plus comblés, ressemblance intime et profonde dont est faite la véritable cohésion de ce pays. C'est par cette identité singulière qu'il se maintient toujours un, malgré tant de causes, qui travaille sans cesse à le désagréger. Ces gens d'affaires qui sont en train de construire une civilisation du côté de l'Ouest avec des éléments presque tous étrangers, la construisent naturellement à l'image du caractère américain. La conscience nationale se projette par eux en ville et en entreprise, d'une si totale unité que les voyageurs s'en plaignent. Ils s'accordent à reprocher à cette contrée sa cruelle monotonie. Je ne sais quel humoriste comparait les choses d'Amérique à ces fraises poussées dans les serres, épaisses comme des abricots, rouges comme des roses, splendides à regarder, et qui n'ont pas de saveur. S'il y a du vrai dans cet épigramme, c'est aux hommes d'affaires qu'il faut s'en prendre. En appliquant à tous les produits la même méthode de multiplication indéfinie, en doublant partout l'ouvrier par la machine, en substituant sans cesse la grosse besogne collective et hâtive à la besogne individuelle et délicate, ils ont banni le pittoresque de l'atmosphère de leur république. Tous ces grandes villes, tous ces grands bâtiments, tous ces grands ponts, tous ces grands hôtels se ressemblent. Mais ce qu'il faut leur demander, ce n'est pas une impression d'art, c'est un document sur les forces profondes de la vie américaine, et ce document s'ajoute aux autres pour les compléter en les confirmant. Le trait particulier que les hommes d'affaires manifestent par les diverses entreprises, dont ces villes et ces paysages sont le brutal symbole, se trouve en effet celui-là même que manifestent les femmes par leur élégance et leur culture, que le monde de Newport manifeste par son luxe, ses amusements, sa conversation, que New York et ses rues manifestent par leur premier aspect, trait si caractéristique qu'il en est national. C'est l'usage unique et constant, un usage poussé jusqu'à l'abus, d'une seule des puissances humaines, la volonté. Visiblement, elle est ici la pièce centrale du rouage, et toutes les autres lui sont subordonnées. Si vous regardez quelques-uns de ces grands hommes d'affaires, après avoir étudié de près leur œuvre, vous découvrez bien vite que même l'appareil physiologique, d'ordinaire très robuste, est tout entier tendu dans ce sens. Qu'ils aient 30 ans, qu'ils en aient 40, qu'ils en aient 50, ils ont pour idéal unique le hard work, ce travail intense, qu'ils réclament de leurs employés aussi bien que d'eux-mêmes. On m'affirme qu'il faut des mois pour dresser les ouvriers anglais, et ce sont les plus durs d'Europe, à l'énergie de besogne habituelle aux ateliers américains. Le patron, cependant, est lui-même à son bureau dès les premières heures du jour, pour n'en sortir qu'aux toutes dernières. Le plus souvent, il n'a eu pour se restaurer durant cette longue séance que 2 sandwichs et 6 huîtres apportés d'un bar voisin. Après des années de ce labeur, sa constitution, si dure soit-elle, se trouve profondément atteinte. Il doit s'arrêter. Le genre de repos que lui prescrivent les médecins suffit à mesurer la nature et l'intensité de sa lassitude. Il lui faut des 6 mois de voyage, presque toujours sur mer, afin d'assurer à sa machine surmenée, brisée aux 3/4, un peu de réparation. Ceux qui résistent portent la trace d'énormes fatigues supportées avec un énorme tempérament. Ce sont des géants au torse carré, alourdis par d'innombrables séances à leur office, avec des faces grises, où se lit comme une vieillesse du sang. L'expression de ces visages révèle une intelligence si constamment absorbée qu'elle ne pourra plus jamais se distraire. Vous vous expliquez, en causant avec eux, pourquoi les journaux annoncent sans cesse quelques morts subites d'un millionnaire, survenu dans un bureau, dans une cabine de bateau, dans un compartiment de chemin de fer. Les mots « heart disease », maladie du cœur, accompagnent d'ordinaire la funèbre nouvelle d'un commentaire qui vous fait deviner un organisme usé jusque dans son fond par la continuité ininterrompue de la dépense nerveuse. Ces manieurs de dollars sont en définitive des héros modernes, et chez qui la force d'attaque et de résistance est analogue, sous des formes bien différentes, à la force d'attaque et de résistance d'un grognard de l'empereur. Ils en meurent après en avoir vécu, et après avoir vécu de cela seulement. C'est la grandeur, et c'est la force de cette civilisation. La vie intellectuelle y est à l'arrière-plan. À l'arrière-plan, la vie sentimentale. À l'arrière-plan, même la vie religieuse. La vie volontaire y consomme toute la sève de l'individu. Cette vie volontaire semble parfois, tant elle est hypertrophiée, exaspérée, jouée à vide et sans but. C'est le défaut aussi de toute cette société. On sent à des milliers de signes que les Américains se sont trop passés du temps et que par une loi mystérieuse, ils ne font rien non plus qui doive durer. Le colossal décor de ces villes babéliques va être remplacé par un autre. On en a la vision anticipée. Ces machines vont céder la place à d'autres machines, plus simples ou plus compliquées. Dans 10 ans, ces hôtels perforés de 1000 tuyaux, éclairés à l'électricité, sillonnés d'eau chaude et d'eau froide, parcourus incessamment par des ascenseurs si rapides, meublés avec une extravagante magnificence, seront démodés, old-fashioned. D'autres les auront remplacés. Il en ira de même de toutes choses, depuis les machines à écrire jusqu'aux fortunes, et ainsi de suite, semble-t-il, indéfiniment, à moins que cette Amérique des industriels et des spéculateurs ne doive passer elle-même comme a passé l'Amérique des pionniers, et qu'à cette frénésie d'entreprise succède une civilisation où la pièce maîtresse soit non plus la volonté consciente et calculatrice, mais l'instinct, mais l'habitude, mais la nature héritée et subie. Cette métamorphose suprême demeure en tout cas bien éloignée. On en comprend la raison. lorsqu'en étudiant une carte des États-Unis, on compare l'étendue du territoire au nombre des habitants. Les Américains se permettent souvent cette plaisanterie justifiée de dire que si l'on mettait la France entière au milieu du Texas, il resterait encore beaucoup de Texas autour. Il convient d'ajouter que cet immense Texas n'a pas 3 millions d'habitants. La Floride n'en a pas 400 000, et il faut 14 heures en chemin de fer pour la remonter de Lake Worth à Jacksonville. 30 États sur 40 sont dans des conditions analogues. C'est le secret de cette civilisation. Elle n'a pas dépassé la période de conquête. Sa prodigieuse originalité réside en ceci, que le conquérant y est allé du coup jusqu'au raffinement de la civilisation la plus avancée. Un pareil phénomène ne s'est jamais vu. Il ne se reverra jamais. C'est pour cela que les conducteurs de cette conquête d'un ordre unique, les hommes d'affaires, ne ressemblent pas plus à nos boursiers, à nos industriels, à nos manufacturiers, à nos ingénieurs, que Chicago ne ressemble à Paris ou Minneapolis à Florence. J'aime au mieux les villes de la vieille Europe, mais j'admire davantage les gens d'affaires du Nouveau Monde. L'œuvre faite chez eux à coups de volonté improvisatrice ne vaut pas l'œuvre élaborée chez nous par les siècles, mais les constructeurs actuels de ce pays-ci sont des échantillons d'une humanité plus vigoureuse.